Chapitre 133. Les règles de bienséance concernant la salutation. 857. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: celui qui est sur une monture doit saluer celui qui est à pied. Ce dernier doit saluer celui qui est assis, et le petit groupe doit saluer le groupe le plus nombreux. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version d'Al-Bukhari, il est ajouté: et les plus jeunes doivent saluer les plus âgés. 858. Selon Abu Umama Sudayy ibn Ajlan al-Bahili, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: l'homme le plus proche d'Allah est celui qui est le premier à saluer les autres. Abu Daoud avec une bonne chaîne de narrateurs. Selon la version d'At-Tirmidhi, d'après Abu Umama également, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, fut interrogé: ô messager d'Allah, quand deux personnes se rencontrent, laquelle doit saluer en premier? Il répondit, alayhi salatu wassalam, la personne la plus proche d'Allah Ta'ala. At-Tirmidhi a dit: hadith Hassan.